les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né en 1921 à Alger, mort à Vannes en mars 2018, Jacques Gernet fut l'un des plus grands sinologues français. Initié après-guerre aux études chinoises à l'École des langues orientales, il fut titulaire de la première chaire de chinois à la Sorbonne et de 1975 à 1992 de celle d'histoire intellectuelle et sociale de la Chine au Collège de France. En 1972, il publiait « Le monde chinois », grande et brillante synthèse consacrée à l'histoire du pays depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Il fut à cette occasion l'invité de Jacques Le Goff dans les Lundis de l'Histoire et s'y employa à tordre le cou à quelques idées reçues et tenaces sur l'histoire de ce pays continent, si mal connu dans nos contrées occidentales. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juillet 1972. Notre émission est consacrée ce matin à un très beau livre. Très beau dans au moins deux sens du mot. D'abord parce que, extérieurement, c'est un ouvrage d'une excellente présentation, avec de belles illustrations, et des illustrations qui ne forment pas hors d'œuvre, mais qui sont véritablement liées au texte. Beau aussi parce que, sur un énorme problème, on en jugera dans un instant, l'auteur, Jacques Gernet, a su donner une synthèse absolument magistrale de cet énorme sujet qu'est le monde chinois, c'est le titre de l'ouvrage, paru dans la collection Destin du monde que dirige Fernand Braudel aux éditions Armand Collin. Notre débat réunit ce matin autour du micro des Lundis de l'Histoire, l'auteur, Jacques Gernet, professeur à l'Université de Paris 7 et à l'École pratique des hautes études, Michel Cartier, maître assistant à l'École des hautes études, et Denis Lombard, directeur d'études à l'École des hautes études. Puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Denis Lombard, qui bien entendu est un bon connaisseur de l'histoire de Chine, il a vécu en Chine, et de ses connaissances sur la Chine est né un excellent petit livre de la collection Que sais-je, La Chine impériale, qui fait d'ailleurs chronologiquement suite à un autre Que sais-je de Jacques Gernet sur la Chine ancienne, puisque donc Denis Lombard est avec nous et que, bien que bon connaisseur de la Chine, il est surtout un spécialiste de l'histoire de l'Indonésie. Je vais lui demander, en levée de rideau de notre débat, de présenter en quelques phrases à nos auditeurs une nouvelle revue dont il est un des co-directeurs, revue consacrée à l'histoire du monde insulindien, revue intitulée Archipel. Denis Lombard, qu'est-ce qu'Archipel? Pourquoi ce titre? Quelle est l'ère culturelle de cette revue? Et qu'avez-vous voulu faire, vous et votre équipe, avec cette revue? Eh bien, l'Indonésie, l'insulinde, qui correspond à ce qu'on appelle aussi en France le monde malais, est un monde immense. L'Indonésie, en tant qu'État, comporte 120 millions d'habitants. C'est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, le plus grand pays du monde musulman, qui a aussi des rapports avec la Malaisie, notre État d'Asie du Sud-Est, avec les Philippines, dont la langue est apparentée à celle de Madagascar, qui représente donc un ensemble immense, un ensemble insulaire, d'où le nom de notre revue Archipel, qui en France est fort peu connu. Fort peu connu, je dois dire, depuis quelques années ou quelques décennies, étant donné qu'au début du 19e siècle, beaucoup de Français s'y étaient rendus, avaient écrit des récits de voyage et même des prospections économiques, scientifiques dans ces régions. Et puis après, avec la rupture coloniale, l'installation des limites coloniales en Asie du Sud-Est, l'insulinde est devenue le domaine des Hollandais, les Indes néerlandaises, et les Français se sont beaucoup plus intéressés davantage au monde indochinois, à la péninsule indochinoise. Ce monde immense représente actuellement pose une série de problèmes très importants, et avec deux collègues, Christian Pelleras et Pierre Labrousse, Christian Pelleras est au CNRS et Pierre Labrousse est professeur de français à Bandung, il est donc sur place même en Indonésie, nous avons décidé de lancer une revue dont les limites seront non pas méthodologiques, comme actuellement on envisage surtout ou principalement d'organiser les revues, revues de linguistique, revues d'histoire, revues de sociologie, mais au contraire une revue où les limites seraient géographiques, essentiellement l'Indonésie avec éventuellement les autres îles comme Madagascar et les Philippines, et nous essayons de les envisager sous tous leurs aspects, aussi bien politiques actuelles que historiques évidemment, qu'ethnologiques, que linguistiques. Oui, je crois que cette formule, qui est celle du regroupement des problèmes autour d'une unité, qui est celle de la géographie, comme vous l'avez dit, d'une ère culturelle, représente, aussi bien scientifiquement que par rapport au désir du public cultivé et du grand public, quelque chose qui reste extrêmement valable, comme on dit, extrêmement important. Je vous remercie de cette présentation. Il a paru, je crois, deux numéros d'Archipel. Le troisième est sous presse en Indonésie. J'indique donc, comme il s'agit malgré tout d'une revue qu'on ne trouve sans doute pas très facilement, j'indique aux auditeurs de France Culture qu'on peut obtenir tout renseignement concernant cette revue à la rédaction Archipel Cedrasemi, C-E-D-R-A-S-E-M-I, sigle qui désigne le centre de documentation et de recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde indonésien. Je pense que Archipel suffit en fait. Oui. Archipel donc, 6 rue de Tournon, Paris 6e. Vous me permettez de répéter, Archipel, 6 rue de Tournon, Paris 6e. Et maintenant, si vous le voulez, glissons un petit peu du monde insulindien vers cet énorme espace et cette énorme durée à laquelle Jacques Gernet n'a pas craint de s'attaquer, me semble-t-il, avec un plein succès dans cet ouvrage « Le monde chinois ». Un ouvrage qui n'est pas seulement un ouvrage de synthèse, un ouvrage qui me semble très original dans ses conceptions et qui, par-delà la présentation et un essai d'explication de ce monde chinois, une réflexion et une réflexion mise en pratique sur l'histoire. Aussi, la première chose que je demanderai à Jacques Gernet, c'est de nous dire quelles sont ses conceptions, qu'est-ce qui a présidé à la conception et à l'écriture de cet ouvrage. Jacques Gernet. Eh bien, il y a un premier point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que dans la rédaction d'un ouvrage comme celui-là, on est déterminé à l'avance par les exigences de l'éditeur et les exigences du public. Lesquelles exigences de l'éditeur et du public sont déterminées elles-mêmes par la conception que l'on se fait de la Chine communément. La Chine, communément, on pense que c'est un problème assez simple. Pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que c'est loin. parce qu'on a entendu dire très souvent que c'est un pays où il ne s'est rien passé, où l'histoire a été dormante, un pays stagnant qui est resté toujours fidèle à des traditions immuables. Et puis d'autre part, il y a un autre aspect du problème qui fait que on pense que les choses n'ont pas tellement d'importance, c'est que, suivant une conception sur laquelle nous reviendrons, j'espère, en fin d'émission, une conception qui est très répandue, n'est-ce pas ? Il y a la Chine moderne, la Chine contemporaine, et puis il y a toute la Chine du passé. Cette Chine du passé n'ayant aucun point de contact avec notre propre histoire, avec le reste du monde, alors qu'au contraire, la Chine contemporaine est parfaitement intégrée à l'histoire mondiale, puisque les Occidentaux ont pénétré en Extrême-Orient depuis plus d'un demi-siècle, plus d'un siècle et demi. Vous voyez par conséquent que, au départ, quelqu'un qui veut écrire un ouvrage sur la Chine se trouve déterminé par une attitude générale du grand public et des éditeurs, cela va de soi, qui répond à des clichés traditionnels, des clichés admis. Or, il se trouve malheureusement que on a affaire à un très vaste sujet, très complexe, qui est très étendu non seulement dans l'espace mais dans le temps, et à un public, d'autre part, qui ignore tout, non seulement de la Chine, qui est déjà un énorme morceau, mais de l'Asie orientale dans son ensemble, et particulièrement de l'Asie du Sud-Est, qui fait partie de cet ensemble, Asie orientale dont la Chine est absolument inséparable et incompréhensible sans ses confins mongols, sans le Japon, sans la Corée, sans le Vietnam, sans le Tibet, sans l'Asie du Sud-Est, sans l'Inde et sans le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Oui, et une des premières choses justement que vous avez voulu présenter, c'est l'espace chinois. Oui. C'est l'espace chinois. Il y a une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que le monde chinois au sens large, d'abord, dépasse les limites de la Chine proprement dite comme unité politique. Si on considère la Chine d'aujourd'hui, la République populaire de Chine, il faut compter aussi la République chinoise de Taïwan, mais aussi toutes les communautés chinoises de l'Asie du Sud-Est, qui sont relativement importantes, puisqu'elles s'élèvent à 12 millions environ d'habitants. Il y a une chose, par exemple, qu'on ne voit pas, c'est que la distance qui sépare Singapour, qui est une ville à 80% chinoise ou 75% chinoise, qui sépare Singapour de la province la plus septentrionale du nord, de la province la plus septentrionale de la Chine, de la République populaire, c'est-à-dire celle de l'amour, la distance qui sépare Singapour de la vallée de l'amour est de 7000 km environ, c'est-à-dire une distance égale à celle qui sépare Dublin des frontières occidentales de la Chine. Ça, c'est une chose qu'il est difficile de réaliser quand on n'a pas mis le doigt dessus. Oui, nous sommes en face d'un problème de dimension inaccoutumée. De dimension inaccoutumée, mais aussi de variété, de différence, de singularité multiple. Et l'Asie orientale, c'est pratiquement aussi complexe que l'Europe. Il y a des populations très différentes, des cultures très différentes, des langues très différentes. Et pour prendre le cas de la Chine, par exemple, on distingue en Chine des dialectes. Or, ces dialectes ne sont pas, à proprement parler, des dialectes tels que nous les entendons, par exemple, pour telle langue mère d'Europe, mais ce sont des groupes de langues, en réalité, des groupes de dialectes. Parce qu'on parle, par exemple, du cantonais. Le cantonais est une langue qui est si profondément différente du pékinois qu'un pékinois et un cantonais ne peuvent absolument pas se comprendre, pas plus qu'un italien et un anglais ne peuvent se comprendre. Mais à l'intérieur de ce dialecte cantonais, on trouve quatre groupes différents de cantonais, ce qui prouve par conséquent la complexité des pays chinois qui ont été en contact au cours de l'histoire avec des cultures extrêmement différentes, variées. Par exemple, les cantonais ouverts sur la mer, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Inde, alors, et puis ensuite sur l'Europe. Alors, par exemple, au contraire, que des provinces du nord-ouest chinois sont en contact avec le monde musulman, avec le monde bouddhisé indien, avec les gens de la steppe, etc. Oui, c'est à la fois une différence de culture historique et de genre de vie. Vous oui. avez aussi rappelé les oppositions nomades sédentaires, le rôle marginal mais important des montagnards. Oui, je pense que c'est absolument fondamental pour arriver à comprendre l'histoire de la civilisation chinoise, bien se dire au départ que cette civilisation a été une création perpétuelle parce que la Chine a été, tout au cours de son histoire, en contact avec des populations différentes. Eh bien, malgré toute cette diversité, il y a quand même une unité, puisque la Chine, ça a existé, oui. et ça existe. Et je vais me permettre de vous poser, messieurs, une première question. Les Chinois eux-mêmes, comment se désignent-ils officiellement? Nous disons la Chine, si nous voulons préciser par rapport au régime politique, nous disons la Chine impériale ou l'Empire chinois, nous disons la République populaire de Chine, mais eux, comment s'appellent-ils? Bien, notre terme chinois est assez ambigu dans la mesure où justement il recouvre deux termes chinois que les Chinois distinguent eux-mêmes très bien. Le premier est Chongguozhen qui désigne le Chinois, c'est-à-dire l'habitant de la Chine en tant qu'entité politique, celui qui a son passeport chinois, si on peut dire. Et d'autre part, le Hanzhen, celui qui est de l'ethnie, le Han, on trouve aussi ce terme dans certains ouvrages de sinologie. Le Han, c'est-à-dire celui qui est de l'ethnie dominante, l'ethnie principale qui a en quelque sorte unifié l'Empire chinois. Il y a deux termes chinois pour un seul mot en français, chinois. Qui pose évidemment certaines difficultés des fois. Mais qui est déjà un éclairage sur les réalités chinoises. Jacques Gernet, par-delà cette conception de l'immensité de la diversité chinoise, quelles idées ont encore présidé à ce livre ? Je voudrais ajouter aussi que j'ai opté pour le titre « Le monde chinois » plutôt que « Histoire de la Chine et de la civilisation chinoise » parce que ce qui m'intéressait au fond, c'était les populations Han, c'est-à-dire chinoises au sens strict du mot et non pas chinoises au sens de la nationalité, car à ce moment-là, même un Tibétain est un Chinois ou un Mongol, peut être Chinois. Si je me suis donc intéressé spécialement aux populations, c'est que il m'a semblé que c'était là en réalité le véritable problème. Parce que les populations chinoises qui sont porteurs d'une culture particulière qui a évolué au cours du temps, se sont diffusées dans l'ensemble de l'Asie centrale et même jusqu'au Proche-Orient et en Russie, à certaines époques, et il m'a semblé que c'était là le problème important, beaucoup plus que l'histoire des régimes politiques. L'histoire des régimes politiques qui ont occupé des espaces variables au cours de l'histoire, alors que les populations proprement chinoises débordaient le cadre politique proprement dit. Bien entendu, il y a dans votre ouvrage des points de repère suffisants sur l'histoire dite événementielle et en particulier sur la périodisation d'un point de vue politique. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais précisément pour le présenter sous un autre angle, plus près de vos propres conceptions. Je voudrais demander à Denis Lombard, Michel Cartier, si cette conception de Jacques Gernet leur paraît précisément apte à bien mettre en valeur l'originalité, l'importance de l'histoire chinoise. Michel Cartier. Je crois qu'on peut peut-être un peu revenir sur la distinction qui a été faite il y a quelques instants. Les deux exceptions, les deux termes qui en Chine servent à désigner ce que nous traduisons par chinois. Oui. Je crois qu'il est important aussi de souligner que quand les Chinois n'opposent pas tellement le terme du point de vue ethnique, mais que pour eux, l'appartenance à la nation Han est plutôt considérée comme une appartenance culturelle. Et c'est dans cette mesure, je crois que M. Gernet a raison de laisser un peu dans à l'arrière-plan les régimes politiques ou les divisions nées de l'histoire politique, c'est que derrière la diversité des régimes, la complexité de l'évolution politique, il y a évidemment la permanence d'une culture Han qui s'identifie pas tellement à la langue, puisque nous avons vu que les Chinois qui se désignent comme Han parlent en réalité des langues différentes, mais par un certain nombre de valeurs culturelles, l'écriture, une certaine conception de la vie communautaire, de la vie familiale, aussi une certaine conception, une certaine forme de culture sédentaire, agricole. Oui. Jacques Gernet, vous avez dit tout à l'heure que parmi les mythes, les clichés, les fausses idées sur la Chine et son histoire, il y avait justement l'idée d'un monde presque immobile, d'un monde presque sans histoire. Et est-ce que vous avez spécialement cherché à combattre cette idée dans votre ouvrage et comment ? Eh bien, j'ai cherché à la combattre en examinant l'ensemble des problèmes qui se posaient dans l'évolution de la Chine, c'est-à-dire les problèmes de démographie, les problèmes d'économie, les problèmes de technique, et j'ai voulu montrer en somme qu'il y avait derrière un vocabulaire qui était un peu trop uniforme, celui d'empire, à partir de l'unification impériale ou de la révolution étatique, comme je dirais plus tôt, qui se situe à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, sous le terme d'empire, il y avait eu une évolution absolument comparable à celle de l'Europe, extrêmement importante. Et d'ailleurs, je pense que cette évolution, sur laquelle il y aurait encore beaucoup à faire, il faudrait l'éclairer beaucoup mieux. Je pense que cette évolution, on peut imaginer a priori qu'elle est absolument inévitable. Elle est absolument inévitable parce que tout système politique est lié à des transformations de l'économie, des techniques, de la démographie, de l'organisation sociale, de l'histoire intellectuelle. Denis Lombard, je crois que vous voulez revenir intervenir. Sur le parallélisme que M. Gernet avait fait tout à l'heure entre l'empire justement de Chine et la possibilité de faire une comparaison avec l'empire occidental. En effet, je crois que la chose est tout à fait juste. Il y a eu aussi un empire en Occident qui s'est formé d'ailleurs à peu près à la même période, l'empire romain, et qui est venu mourir à peu près à la même période aussi, au moment de la Première Guerre mondiale, disons cette année exactement, en 1918, après la fin justement de l'empire chinois, la révolution de Sun Yat-sen en 1911. Or, entre ces deux histoires, entre ces deux empires, il y a aussi au fond un parallélisme possible, dans la mesure où l'empire chinois n'a pas été monolithique et permanent. Il y a eu un moment où il y a eu plusieurs empires contestataires et opposés. Il y a eu des moments où il y a eu même des carences d'empire, exactement comme en Occident. L'empire s'est déplacé d'abord à Byzance, ensuite en Allemagne, ensuite en Russie. Oui, c'est une des séductions du livre de Jacques Gernet, une de celles, me semble-t-il, qui font le plus réfléchir, non seulement le lecteur, mais je dirais même le professionnel, l'historien, c'est cette évocation de l'histoire non chinoise et de ses parallélismes, de ses rapports. Je le lui ai confié dans une première lecture. J'avais été relativement étonné de voir que dans ce livre où est affirmée avec force l'idée qu'il ne faut précisément pas voir l'histoire chinoise avec les concepts et les yeux de la mentalité et de l'histoire occidentale, plusieurs périodes étaient désignées par des termes qui désignent traditionnellement l'histoire occidentale. Vous parlez de Moyen-Âge, et j'en ai été personnellement ravi. Vous parlez de Renaissance, vous parlez des Lumières. Et je crois que, précisément, votre idée, n'est-ce pas, c'est de montrer que, à travers ces originalités, il y a des correspondance entre les civilisations, qu'il y a des parallélismes, mais que, si je ne m'abuse, ceci ne provient pas d'une harmonie préétablie. Ça va plus loin, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, de même qu'il y a un âge du bronze en Europe, il y a un âge du bronze en Chine, et ces âges du bronze ont des analogies assez remarquables, avec en même temps des caractères spécifiques qui les distinguent très nettement. De même, je pense que entre la période de triomphe du bouddhisme grande religion écuménique de toute l'Asie et en Chine, et la période où le christianisme triomphe en Europe au Moyen Âge, il y a des analogies absolument frappantes et remarquables, tout en maintenant l'idée de ces caractères spécifiques. Cela n'est pas du tout contradictoire. On peut ajouter les grandes invasions aussi. On peut ajouter les grandes invasions et la période mongole. Et je suis persuadé, pour ma part, que l'homme chinois, par exemple, du XXe siècle, est véritablement le contemporain de l'occidental du XXe siècle, de même que le chinois du XVIe siècle est un contemporain véritable de l'européen du XVIe siècle. Maintenant, si je pense à ce qui apparaît plutôt comme quelques différences à travers ces parallélismes, je songe par exemple à l'importance à peu près constante, me semble-t-il, en particulier à partir du moment où est fondé ce que l'on appelle traditionnellement l'ère impériale, en 221 avant l'ère chrétienne, si je ne m'abuse, il y a une sorte de permanence de la force de l'État, aussi bien dans les institutions et dans les esprits, à travers, bien entendu, des vicissitudes politiques qui mettent cet État largement en danger à de nombreuses reprises et qui le divisent. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là un trait assez original? De même, me semble-t-il, et corrélativement à cette originalité, et vous le soulignez, il est difficile de parler de féodalité, d'abord parce qu'il ne faut pas abuser de certaines étiquettes, et d'autre part parce que ce qui correspond à la féodalité en Chine, c'est malgré tout autre chose, et vraisemblablement une des raisons de cette différence est cette présence constante d'un État, d'une idée d'État, de certaines forces de centralisation dont la féodalité a été, peut-être dans une vue un peu superficielle, mais malgré tout, qui reste en grande partie vraie, la négation dans l'histoire occidentale. Est-ce que véritablement cette idée d'État est très centrale? Écoutez, je crois en effet qu'elle est centrale. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de me faire une représentation de l'histoire de l'Occident. Ça m'est indispensable. Et pour moi, il y a deux formes sociales qui ont été déterminantes dans la transformation et l'évolution de l'Occident. C'est d'abord l'apparition de la cité grecque, la cité, et ensuite la ville commerçante et l'apparition et le développement de la classe mercantile. Eh bien, je crois que dans le monde chinois, il y a un phénomène analogue à la cité grecque qui a eu une importance aussi considérable, aussi déterminante sur le destin général du monde chinois. C'est l'apparition de l'État centralisé, je dirais la révolution étatique, je tiens beaucoup à ce mot, cette révolution étatique qui met fin à toute une ancienne Chine qui était quelque chose de vraiment très différent de ce qui va suivre et qui est l'État centralisé qui apparaît en 221 avant Jésus-Christ, enfin à la fin du 3e siècle, qui se forme au cours du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Qui est l'aboutissement d'un qui est l'aboutissement de toute une évolution. Au 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. C'est déjà ancien. Mais je crois que ça a été là un modèle qui a été absolument déterminant. Et c'est précisément l'existence de ce modèle qui explique pourquoi certains des problèmes de l'histoire occidentale qui sont propres à cette histoire très singulière qui est celle de l'Occident ne se posent pas en Chine ou ne se posent pas du tout de la même façon. C'est ainsi qu'à mon point de vue, le problème de la ville, le problème de la vie urbaine, mais de la vie urbaine en tant qu'organisme autonome et indépendant, obtenant ses franchises et ayant une fonction dynamique dans le développement de l'Occident moderne, ce problème ne se pose pas en Chine de la même façon du tout. Oui, nous avions déjà abordé ce problème il y a quelque temps au Lundi de l'Histoire à propos du livre Hélas posthume d'Étienne Balache, La bureaucratie céleste, et il y a certainement un thème très important. Pourtant, le modèle urbain chinois est différent du modèle occidental. De même, puisqu'il n'y a pas, à l'intérieur d'une ville autonome, ce phénomène de franchise urbaine, il n'y a pas de classe sociale liée à cette évolution. Et pourtant, il y a aussi une bourgeoisie chinoise. Il y a des commerçants, bien sûr. Voilà, il y a des commerçants. Alors là, comment vous les définiriez par rapport aux commerçants, à la bourgeoisie à laquelle nous sommes habitués dans l'histoire occidentale? Denis Lombard. Peut-être une... une opposition à marquer entre justement la classe mandarine, ce qu'on appelle les mandarins, la bureaucratie, qui représentent, qui sont justement les émanations du pouvoir impérial, du pouvoir central, et une espèce d'opposition constante entre ces classes et les classes de commerçants, qui ont quand même, bon, je crois, au cours des âges, et surtout peut-être dans la Chine du Sud, il y a une différence régionale à faire entre la Chine du Nord et la Chine du Sud. Dans la Chine du Sud, certainement, en contact justement avec la mer, avec les communautés indépendantes des mers du Sud, les communautés chinoises d'outre-mer, ces communautés marchandes, ces classes marchandes, ces classes de commerçants ont résisté, je crois, même jusqu'à une époque assez récente, à l'emprise des mandarins du Nord, les mandarins impériaux. On peut voir un peu dans la révolution de Sun Yat-sen un peu cette chose-là. C'est évidemment les républicains contre les impériaux, les chinois contre les manchous, mais c'est aussi les communautés maritimes contre justement une certaine forme d'autocratisme septentrional, je pense. Certain. C'est-à-dire que dans les prolongements les plus actuels de l'histoire de la Chine, on retrouve certaines directions forces, n'est-ce pas? Le régime de Chiang Kai-shek étant à la fois un régime autoritaire et dictatorial et centralisateur, mais qui s'appuie en même temps sur une puissante bourgeoisie des villes, spécialement de Shanghai, et au contraire, le régime communiste étant beaucoup plus dans la tradition étatique rurale traditionnelle. J'aurais envie, avant de clore la première partie de notre débat, de vous poser encore deux questions, messieurs. Et la première, c'est sur le rôle de l'écriture dans ce monde chinois. Jacques Gernet, vous y insistez beaucoup dans votre livre. Oui, ça a l'air majeur, et j'ai été en particulier très frappé, là encore, de la distinction que vous faites entre ce qui s'est passé dans l'histoire d'Occident, où le plus souvent on a l'impression que l'on a affaire à des civilisations de la parole. Je crois d'ailleurs qu'à propos de la Grèce ancienne, c'était le terme employé par notre collègue et ami Pierre Vidal-Naquet dans le très beau chapitre qu'il lui a consacré dans l'Encyclopédia Universalis. Et bien entendu, le monde grec, le monde romain, l'importance de la rhétorique, et qui s'est conservée de nos jours, même en dehors de l'ère latine. En revanche, dans le monde chinois, une sorte de primat de l'écriture dans les moyens de communication, de culture et de pouvoir. Il n'y a absolument aucun doute, et c'est là un des grands faits, si vous voulez, un de ces grands traits qui marque un monde, qui marque un caractère original d'un ensemble de civilisations, parce que je crois que le problème, il n'est pas seulement chinois, il est japonais, il est vietnamien, il est coréen. Et une des choses qui a fait l'unité de civilisation de tout cet ensemble qui aujourd'hui représente plus d'un milliard d'hommes, il ne faut pas oublier que l'Asie orientale dans son ensemble, ça fait le tiers de l'humanité. Eh bien, dans cet ensemble-là, c'est l'écriture comme moyen de communication, non pas le langage parlé, mais l'écriture comme moyen de communication qui a servi de trait d'union. De même que l'écriture en Chine, à partir du moment où sa norme a été fixée par l'Empire à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, cette écriture chinoise a été le moyen d'unification administrative et politique. Ma dernière question sera celle-là. Votre ouvrage, je crois, est l'illustration justement de l'histoire comparée au meilleur et au plus sens le plus profond du mot. Vous avez insisté il y a un instant sur la révolution étatique. À l'intérieur de cette révolution et de cette originalité chinoise, une institution que l'on retrouve ailleurs, qui est la monarchie, est-ce qu'elle a des caractères originaux dans l'histoire chinoise, ou bien est-ce qu'elle est comparable à ce que l'on trouve ailleurs comme phénomène, comme fait monarchique? Je ne pense pas, parce que la monarchie occidentale, autant que je sache, c'est constituer ses cadres administratifs de façon assez tardive. Tandis que, malgré tout, les relations de parenté ont toujours joué un grand rôle dans la conception monarchique occidentale, si je ne me trompe. Je pense. Oui, Tandis que dans le système chinois, il s'agit, je crois qu'il faudrait le caractériser au moins brièvement, cet État centralisé chinois. C'est un État qui est d'abord, dont l'instrument est une administration révocable et payé par l'État. C'est-à-dire que les serviteurs de l'État sont choisis indépendamment de la naissance, indépendamment de toute considération, théoriquement, n'est-ce pas, uniquement en fonction de ses aptitudes à administrer et de sa connaissance de l'écriture en particulier et des textes. Et d'autre part, c'est un État qui s'appuie sur une classe paysanne au départ, une classe paysanne qui est à la fois productrice et combattante. C'est ce double aspect de la paysannerie chinoise qui est fondamental dans l'État originel. Première partie de ce débat consacré au monde chinois de Jacques Gernet, récemment paru chez Armand Collin, débat qui groupe autour de notre micro Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard. Nous avons évoqué quelques-uns des grands problèmes, des grandes données qui font l'originalité du monde chinois et de l'histoire chinoise. Bien que l'ouvrage de Jacques Gernet, comme il l'a ici expliqué, ne soit pas fondé sur l'histoire événementielle, il raconte aussi, en l'expliquant, l'évolution de ce monde chinois, et je pense que nous pourrions maintenant consacrer cette seconde partie de notre débat à cette évolution. Et peut-être pourrions-nous, comme fil conducteur de ce débat, choisir l'un de ceux sur lesquels Jacques Gernet a le plus insisté, qui est l'importance des techniques dans ce monde chinois. Je crois que, Jacques Gernet, vous employez quelque part l'idée de civilisation technicienne, en tout cas l'importance des techniques, et on peut dire, me semble-t-il, sans trop vous trahir, que les temps forts de l'histoire de ce monde chinois s'articulent sur des périodes de diffusion et de perfectionnement, sinon d'invention des techniques. Oui, Jacques Gernet. C'est en effet le cas, bien que ce ne soit pas restreint de façon trop uniforme et trop stricte aux techniques. Bien entendu. Ça va de soi. Mais il m'a semblé que, en effet, certains développements de l'histoire des techniques ont amené, ou en tout cas aidé très sérieusement, à des transformations fondamentale de la démographie, du système politique, du système social. Je crois qu'il y a une espèce d'idée fausse qui s'est imposée du fait que on a connu surtout de la Chine la plus récente, c'est-à-dire celle des grandes catastrophes, des guerres du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et on a vu dans cette Chine une Chine essentiellement rurale. Or, pour toutes les populations qui ont connu la Chine antérieurement, les deux traits qui étaient les plus caractéristiques du monde chinois, c'était d'une part son organisation politique, qui était considérée comme remarquable, extrêmement perfectionnée, très en avance sur tout ce qu'on a connu ailleurs dans l'histoire du monde, et d'autre part, des qualités de technicien. Les oui. Chinois apparaissent comme des techniciens. Si vous me permettez de glisser une réflexion d'occidentaliste et de médiéviste, c'est précisément la Chine de Marco Polo. Bien entendu, une expérience particulière que celle de ce marchand qui voit un certain monde chinois lié à ce qui l'intéresse dans ses affaires. Mais c'est le monde qu'il voit. C'est le monde d'une organisation politique à la fois forte et originale, et par ailleurs, un monde de techniques très avancées, depuis justement les techniques commerciales, le papier monnaie, jusqu'à un monde où le monde rural est relativement absent, et pas seulement parce que Marco Polo ne s'y intéresse pas beaucoup, parce qu'il semble effectivement être à l'arrière-plan de l'histoire chinoise pendant longtemps. Oui. Et là, je crois que c'est une des grandes nouveautés de votre ouvrage que de renverser cette idée trop courante. Du point de vue du volume des échanges aussi, c'est ce qui a frappé surtout Marco Polo en visitant les villes et les ports chinois. Ces foules, ces quantités fantastiques de produits, de bateaux, etc. Évidemment, il y a beaucoup d'exagération chez Marco Polo, qui est un petit peu marseillais, mais il y a quand même du vrai, il y a quand même beaucoup de vrai, et c'est l'étonnement, l'étonnement absolument extraordinaire d'un occidental, d'un homme du Moyen-Âge d'Europe qui arrive en Chine et qui voit un monde extrêmement actif. Et oui, surtout à un moment où, comme productif. Vous le rappelez, ce qu'il y avait de brillant au Moyen-Âge, c'était le monde chinois et l'islam. Et ceci a duré pendant longtemps. D'ailleurs, n'oubliez pas que cette image de la Chine subsiste très longtemps, parce que si on se rapporte à la description qui est donnée du commerce chinois dans le dictionnaire du commerce de Savary au milieu du 18e siècle, on voit encore les Européens caractériser le monde chinois par l'abondance des échanges, la multiplicité, l'intensité du commerce. Oui, à propos des techniques. C'est une idée qui a disparu au 19e siècle, mais je crois que jusqu'à la fin du 18e, on avait vis-à-vis de la Chine cette admiration dont vous parliez tout à l'heure. Jacques Gernet, vous avez noté quelque chose. Je pense qu'il y a un petit détail, un fait sur lequel on pourrait attirer spécialement l'attention, c'est que la Chine, pour certains géographes modernes, c'est le cas de Gourou, le monde chinois était défini comme civilisation du végétal. Or, il se trouve que ce sont les Chinois qui, les premiers, ont découvert la fonte du fer, enfin, ont pu fondre du fer au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ont fondu donc des objets en fer, sont arrivés assez vite à l'époque des Han, c'est-à-dire au deuxième siècle avant, dès le deuxième, premier siècle avant, à fabriquer des aciers. Donc, alors que l'Occident n'a connu sa première fonte de fer qu'au XIIIe siècle, je crois, au XIIIe... Oui, parfaitement. XIIIe siècle, XIVe, XIVe siècle, et que toutes les civilisations modernes, le développement moderne industriel occidental a été fondé sur l'acier. Alors c'est très amusant de voir que c'est la Chine finalement qui a fini par passer pour le pays le plus... Et oui, avance, décalage, puis retournement, je crois que nous aurons l'occasion, c'est un problème, l'occasion d'en reparler. Maintenant, il y a tout de même un peu un paradoxe, c'est que la Chine a été en avance, en particulier dans les domaines de métallurgie, dès l'âge du bronze d'ailleurs. Mais qu'en même temps, la Chine semble être une culture où les objets de métal ont été relativement peu diffusés. Et je me souviens d'un article assez intéressant de Jerome Chen, un Chinois qui travaille en Angleterre, sur la production du cuivre à l'époque Song, qui est une époque de grand développement économique, et où, en polémiquant un peu contre les idées de son collègue, l'Américain Hartwell, enfin Jérôme Chen explique en particulier, il explique l'absence d'un démarrage industriel par le manque de matières premières. Certaines pauvretés des mines. De ce point de vue-là, de quoi dispose l'espace chinois du point de vue des mines ? Écoutez, il est en effet relativement mal loti et surtout les exploitations ne semblent pas avoir été très systématiquement poursuivies. Oui, je ne sais pas si la carte des mines, c'était, enfin disons au XIe siècle, pour prendre un exemple, parce que je pense à une carte qui avait été faite justement par Balache, qui était parue dans les annales il y a déjà assez longtemps, et dont la disposition était très différente de la carte des mines qu'on peut avoir maintenant dans les ouvrages de géographie. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y avait pas de mines ou peu de mines à une époque ancienne. Oui, oui. Maintenant, il y a quand même un fait qu'on devrait rappeler, qu'il faut rappeler, c'est que c'est la production systématique, la production en série d'objets agricoles au IVe siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, dans l'état de Yen, c'est-à-dire la région de Pékin aujourd'hui, on produisait en série, on a retrouvé dans des fours où il y avait une très grosse production d'outils agricoles. Vous parlez donc maintenant du monde rural. Dans ce domaine, quels ont été les phénomènes les plus marquants du point de vue de l'évolution et du point de vue de l'histoire des techniques dans ses répercussions sur l'histoire générale? Oui, mais je crois qu'on sépare de façon un petit peu trop artificielle l'agriculture d'une part et les autres techniques. En réalité, ça ne fait qu'un. Si la Chine a pu s'étendre, déblayer, mettre en valeur ces terres. Je parle de la Chine du Nord, à ce moment-là, il n'est question que de ça. Dans l'Antiquité, à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, si elle a pu le faire, c'est grâce précisément à la fonte de fer qui a permis la production d'outils agricoles. Je crois que dans l'histoire de la démographie chinoise, il y a deux grandes périodes, principalement, qui se situent, mais on peut même dire trois, qui sont liés à l'histoire de l'agriculture. C'est d'une part ce développement qui se situe à la fin de l'Antiquité, qui amène à un peuplement de la Chine beaucoup plus important, puisqu'on arrive à 56 millions pour l'empire des Han aux environs de l'ère chrétienne. Puis ensuite, le démarrage le perfectionnement de la riziculture. Perfectionnement de la riziculture qui s'est fait sentir, je pense, non seulement en Chine, mais dans tous les pays de l'Asie orientale. Il suffit de penser à la civilisation d'Angkor, au XIIe siècle, qui est à son apogée à ce moment-là, à la civilisation des Song, qui est à son apogée. Et c'est précisément ces XIe, XIIe siècle qui marquent en Chine l'entrée de l'Asie orientale, dans l'Asie orientale, l'entrée de ces pays dans ce qu'on pourrait appeler les temps modernes. Les temps modernes parce qu'il y a toute une série d'inventions qui rappellent celles qui marqueront l'entrée des temps modernes en Occident à cette époque-là. En particulier, l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole. Oui. La boussole. Mais là encore, une chose qui m'a paru personnellement très frappante et où je crois vous redresserez des idées reçues, me semble-t-il, l'occidental, le riz est lié à l'histoire de l'Asie orientale et à l'histoire de la Chine depuis des temps immémoriaux. Or, vous avez bien montré que, en fait, l'extension de la riziculture est un phénomène relativement tardif, qui est un phénomène du premier millénaire de notre ère. Et en même temps, voilà encore une de ces correspondances que nous avons déjà évoquées, effectivement, bien entendu en termes différents, y compris en termes ruraux et techniques, cette période en Occident est aussi celle d'une révolution de l'agriculture, avec également un rôle de l'artisanat et de l'industrie, le développement du fer, la charrue avec soc en fer, etc., et une révolution alimentaire. En d'autres termes, mais avec le même parallélisme. Denis Lombard, vous voulez... Non, je voulais simplement ajouter quelque chose. Je me souviens d'un texte du XVe siècle qui présente un personnage originaire du sud de la Chine, qui est un fonctionnaire, qui est en service à Pékin, et qui justement va dans une région de Pékin où on vient juste d'introduire les rizières, pour justement sentir au moment de la floraison l'odeur de la fleur de riz qui lui rappelle son pays natal. Or, quand on sait l'importance du riz maintenant dans le nord de la Chine, et qu'on voit qu'à cette époque c'était une chose nouvelle qui venait d'être introduite, ça permet de rétablir justement l'aspect tardif de cet apport. Je crois qu'il faudrait quand même un peu distinguer, c'est que le riz est connu depuis très longtemps, enfin je crois depuis l'Antiquité, mais que c'est resté une céréale noble, destinée surtout aux consommations sacrificielles, et qui est réservée à la classe dirigeante, et surtout qui n'est pas cultivée avec irrigation, mais qui est cultivée souvent sous forme de culture sèche ou culture de terrain inondable naturellement. Et sans repiquage. Est-ce que là, ce qui a été très important, c'est qu'on le perçoit quand on suit l'évolution de la population. Par exemple, c'est à partir du 1er siècle, enfin au 7e siècle environ, le sud de la Chine stagne avec une population peut-être de 7 à 10 millions. Et à partir de 700, on commence à avoir une montée spectaculaire qui fait passer la population de 10 millions à 50 ou 60 millions au 13e siècle. Oui, par conséquent, phénomène que l'on voit habituellement dans les révolutions des techniques, colossal. Il y a, c'est ça, un fait technique très important, le repiquage, le développement d'une riziculture inondée artificiellement, avec donc des techniques d'irrigation, et des aspects à la fois sociaux et mentaux, c'est-à-dire un type d'alimentation qui cesse d'être une alimentation aristocratique, noble, pour devenir populaire. Et alors, je crois, là, il faudrait insister aussi sur le fait que la riziculture et le repiquage permettent des rendements, alors sans comparaison avec les rendements de l'Europe de l'époque. Et par exemple, un rapport semence-moisson de l'ordre de 1 à 10, couramment, ce qui est impensable. Tout à fait extraordinaire, oui. Au XIVe siècle, sur quelques domaines très remarquablement exploités, en Flandre par exemple, on est arrivé jusqu'à des rendements de 1 à 12, mais c'est très exceptionnel. Mais normalement, c'est 1 à 3 ou 4, n'est-ce pas? Alors que les textes d'agronomes chinois, ça, on considérait un rapport d'1 à 10 comme assez normal. Oui. Vous parliez des aspects mentaux tout à l'heure, je crois que c'est très important, car la riziculture est une culture collective par principe. Ouais. On doit commencer la moisson au moment, entretenir les digues en moment en même temps. Donc je crois que c'est un aspect à ne pas négliger pour l'histoire de la Chine dans son ensemble. Bien sûr. Jacques Gernet, vous vouliez parler d'une troisième période, je crois. Je ne sais pas si la question que j'ai envie de poser entre dans cette troisième période. Je la pose, vous me reprendrez si je tombe mal. En Occident, pendant cette période qui est médiévale, et vous me permettez de m'arrêter encore un instant, il y a un phénomène qui est tout à fait frappant, c'est une imbrication entre les phénomènes économiques et les phénomènes religieux. En particulier, le rôle joué par les ordres religieux dans le progrès économique, même si cela a été un petit peu exagéré, pour diverses raisons, en particulier parce que les ordres monastiques nous ont laissé de meilleures archives que les populations laïques, et que l'on a eu l'impression qu'ils avaient été les seuls entrepreneurs économiques de l'Occident. Il reste que c'est vrai, et qu'il y a eu une profonde imbrication. Est-ce qu'il y a eu aussi, par exemple, dans le bouddhisme, des aspects économiques importants? Très certainement, mais ça, malheureusement, le parallélisme là ne peut guère s'établir avec l'Occident, dans la mesure où la grande période du bouddhisme prend fin précisément avec le début des temps, ce qu'on pourrait appeler le début des temps modernes, c'est-à-dire 11e, 12e siècle en Chine. Oui. Alors donc là, il y a un tel décalage. Il y a un grand décalage, mais tous les problèmes d'insertion des communautés bouddhistes, du phénomène bouddhique dans la société chinoise et dans le système politique chinois est un problème extrêmement important. Et je pense aussi du point de vue économique, parce que les communautés bouddhiques ont introduit en Chine des techniques de presse sur gage en particulier qui venaient de l'Inde. Et alors la troisième période, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande révolution agricole des temps modernes, c'est celle qui se situe qui commence au XVIe siècle, avec l'introduction des plantes américaines et qui amènera une transformation radicale de l'agriculture chinoise, si bien que l'agriculture chinoise du XXe siècle, même du début du XXe siècle ou du XIXe siècle, n'a absolument rien à voir avec l'agriculture chinoise de l'Antiquité. Et quand on parle des Chinois comme des agriculteurs qui ont toujours cultivé les mêmes lopins de terre, toujours selon les mêmes techniques, c'est une absurdité absolue, effarante, parce que toute une série de plantes américaines ont révolutionné l'agriculture chinoise, en particulier la patate douce, l'arachide et le maïs au XXe siècle, qui a fait des ravages effroyables du fait de la destruction des forêts, et ce qui a entraîné des inondations. Oui, donc il n'y a pas eu seulement des transformations structurales, capitales, d'une période à l'autre, mais je suppose, d'après tout ce que vous venez de dire, que cette évolution des techniques est également liée à une très grande importance des communications, de façon générale. Échange, au sens le plus large du mot, commerce, au sens le plus précis. Michel Cartier, est-ce que je peux vous demander d'évoquer l'importance de ces communications, de ces échanges dans l'histoire du monde chinois, et peut-être particulièrement dans les périodes plus récentes, Moyen-Âge et temps moderne? Mais en fait, il y a un problème qui se pose à ce point de vue, c'est... La Chine est un État d'une grande dimension, enfin, où il y a des échanges considérables. Et il faut d'abord distinguer entre échange extérieur, commerce extérieur, et le commerce intérieur. Je crois que c'est un pays à partir du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, enfin, la Chine connaît des échanges intérieurs très considérables, enfin, un volume... Des échanges liés en particulier à la constitution d'un réseau de canaux et de voies navigables. Puisque, en fait, les transports par route ou transports à d'autres bêtes n'ont jamais joué un rôle très important. Système de canaux, là encore pour donner un repère chronologique, qui date essentiellement, si je me rappelle bien, du 6e, 7e siècle, n'est-ce pas, de notre ère, qui marque là encore une antériorité très importante, mais qui ne remonte pas à la nuit des temps. Mais je crois qu'il y a un phénomène sur lequel on devrait insister, c'est que, mais d'une certaine mesure, enfin, une des limites au développement du commerce en Chine était sa dépendance des voies de communication et du réseau fluvial. Et là, je citais l'exemple de la production du sel. Alors, voilà, jusque vers le 7e ou 8e siècle, les grandes régions productrices de sel en Chine étaient la côte nord, la région de Shandong, la région de Tianjin, enfin, où le sel est facile à obtenir simplement par d'extraction de l'eau de mer. Et puis on voit une espèce de glissement, dire l'abandon progressif, enfin une décadence progressive de ces zones au profit des zones du Bayangtze, enfin, où l'exploitation du sel est plus difficile, du fait que la période où on peut faire évaporer l'eau de mer correspond à une période beaucoup plus pluvieuse, et où on est obligé donc de faire évaporer l'eau artificiellement, en la faisant évaporer dans des grands baquets. On peut penser que cette technique de production était en réalité plus coûteuse. Et on peut se demander pourquoi elle s'est maintenue. Je crois que la concentration de la production du sel s'est faite dans les régions du delta du Yangtze, de la vallée de la Huai, par exemple, essentiellement pour des raisons de commodité de transport. Mais la production du sel s'insère dans tout un système de navigation sur le Yangtze. Oui, je crois qu'il y a là un phénomène général de l'histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les chemins de fer ont permis de transformer complètement la situation. Et à partir du moment où les chemins de fer ont favorisé les transports nord-sud, alors que le réseau naturel de communication fluviale est un réseau qui favorise les transports est-ouest. Et alors, on voit immédiatement, dès la construction du chemin de fer nord-sud, une résurrection de toutes les salines du Nord. Ce qui explique que dans les premières décennies du 20e siècle, par exemple, c'est les salines sont revenues au nord de la Chine. Oui. Ce que je voudrais surtout que l'on examine, c'est le problème des communications eurasiennes à travers le monde. C'est parce que c'est le problème des diffusions des techniques. Je voudrais prendre un exemple qui peut être frappant. Il y a un art bouddhique gréco-indien qui s'est constitué dans le nord-ouest de l'Inde, c'est l'art bouddhique du Gandhara. Et cet art bouddhique qui s'est constitué à la suite des influences grecques consécutives à la conquête d'Alexandre, 3e siècle avant, enfin 4e siècle, cet art grec s'est répandu en Asie centrale, cet art bouddhique grec, d'influence grecque, s'est répandu en Asie centrale, de là en Chine du Nord, de là en Corée, de là au Japon, de Chine au Japon, si bien que dans la statuaire bouddhique japonaise du 7e siècle, on a des réminiscences de l'art grec. C'est pour vous montrer qu'en réalité, notre monde que nous imaginons cloisonné a toujours été, a toujours respiré, a toujours connu des voyages d'influence. Je prendrai un autre exemple. C'est le cas d'un Allemand qui s'appelait Vogler, qui a découvert à Saint-Pétersbourg, à la fin du 18e siècle, un orgue-à-bouche chinois. C'est un instrument de musique qui a cette particularité technique d'avoir une hanche libre. Et ce dispositif technique, en réalité, appartient aux civilisations de la Chine du Sud et de la péninsule indochinoise. Eh bien, c'est à partir de l'observation de ce dispositif technique que se sont créés en Europe toute la famille des harmoniums, des harmonicas, des accordéons, et si bien que les danseurs des balmusettes ne se doutent pas de ce qu'ils doivent à la Chine. Un autre exemple, c'est la variolisation. Les Chinois avaient, dès le XVIe siècle, c'était une coutume, une pratique tout à fait courante, un système de variolisation qui consistait à insérer dans la narine du patient des fragments d'une pustule dont on avait atténué la virulence, une pustule de variolique. Et c'était un moyen qui était tout à fait courant au XVIe siècle, qui est bien attesté. Ce système a été transmis dans le courant du XVIIIe siècle en Turquie, si bien qu'une Anglaise, Madame Lady Montagu, qui était la femme du résident anglais de Constantinople, a fait varioliser toute sa famille au début du XVIIIe siècle avec ce système chinois. Et c'est seulement beaucoup plus tard que Jenner a inventé le vaccin. Denis Lombard, vous voulez dire quelque chose? C'était une autre preuve de l'expansion chinoise, peut-être pas tellement au point de vue technique, mais au point de vue commercial, disons, c'est l'importance des céramiques chinoises qu'on a trouvées en Asie du Sud-Est et jusqu'aux côtes d'Afrique. Oui. Quand on dit souvent que les Chinois arrivent actuellement en Afrique seulement, en fait, ça remonte au 11e siècle, leur présence commerciale sur cette côte. Maintenant, messieurs, je voudrais vous poser une dernière question sur cette seconde partie de notre débat. Nous venons de voir l'avance en général du monde chinois dans le domaine des techniques. Et voilà que, au XIXe siècle, sans doute, le monde chinois participe au progrès technique. Michel Cartier vient de nous rappeler l'importance des chemins de fer sur un point précis, qui est la réanimation d'un certain commerce, exploitation du sel. Il reste que la période où l'Occident démarre en flèche, la révolution industrielle, le 19e siècle, c'est la période qui, dans votre ouvrage, 19e, première partie du 20e siècle, s'appelle déclin et aliénation. Oui. Alors que se passe-t-il là? Eh bien, je crois que le problème en général est mal posé. Il est mal posé parce qu'on oppose en bloc une civilisation qu'on ignore à une civilisation qu'on connaît très bien. Et on les oppose en bloc sans examiner la façon dont les choses se sont déroulées. Je crois qu'il faudrait remonter plus haut, n'est-ce pas, et remonter au XVIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, avec les premiers apports occidentaux qui ont été faits par les jésuites et qu'on a beaucoup grossi. On a beaucoup grossi parce qu'on s'est imaginé que les jésuites avaient introduit la science moderne en Occident, en Chine, ce qui est absolument faux. Ils ont introduit essentiellement la scolastique médiévale et d'autre part, ils ont introduit d'autre part l'astronomie de Ptolémée, enfin toutes les vieilleries de la science médiévale. Et c'est ça que les Chinois ont connu sous le nom de science moderne. Ensuite, au XIXe siècle, il s'est produit, je crois, toute une série d'événements qui ont affaibli la Chine. D'abord, il y a eu les importations d'opium qui ont eu des effets extrêmement graves sur l'économie chinoise. Et je crois aussi, ça c'est une de mes hypothèses, la dévaluation de l'argent chinois, qui était la monnaie fondamentale par rapport à l'or du commerce international. Les Chinois n'étaient pas plus bêtes que d'autres et ils étaient fort bien capables de s'adapter à la révolution technicienne à laquelle ils ont participé, d'ailleurs ne l'oublions pas, ne serait-ce qu'en introduisant en Occident des idées nouvelles, en particulier celles d'ordre naturel. Jusque-là, l'Occident restait attaché à cette idée que tout ce qui était dans le monde était composé d'une machine et de son conducteur, d'un corps et d'une âme, alors que la Chine avait, de par tradition, l'idée d'une conception globale, organiciste des êtres. Et ça a été, je crois, l'influence de la Chine a été capitale sur les orientations nouvelles de l'Occident. Et la Révolution française a été en partie inspirée par des idées chinoises. C'est très curieux de le dire, mais c'est bien la réalité. Alors, il reste déclin, aliénation. Bien entendu, je ne vais pas en deux minutes vous demander d'évoquer 100 pages de votre livre. Mais malgré tout, que s'est-il passé fondamentalement? Mais je crois que le grand problème du 19e siècle, c'est la grande crise sociale qui se situe en 1850-1860. Ce que l'on connaît sous le nom de mouvement des Taiping, entre 1850 et disons en gros 1878, et qui vous paraît être un tournant essentiel. Absolument. Je crois qu'il y a tout de même deux problèmes qui sont importants. C'est d'une part que au moment où la Chine se heurte aux puissances occidentales, elle se trouve dans une situation défavorable, du fait qu'elle a eu déjà une révolution démographique au XVIIIe siècle, et deuxièmement que l'État n'est pas adapté. Dire que les structures de l'État restent des structures du début du XVIIe siècle, largement, je crois. Et donc, il y a un décalage. Mais la Chine... Elle a grossi trop vite. Oui, elle a grossi trop vite et elle a grossi en se ruralisant beaucoup plus. Denis Robin. 17e, 18e, il y a eu toute une réflexion chinoise d'ailleurs sur ces problèmes. Ils ont bien senti le péril venir, le problème démographique, les problèmes d'artisanat, d'adaptation aux nouveaux besoins. On les a souvent rapprochés des Lumières. C'est ça, des physiocrates, j'y pensais, c'est là. Des philosophes d'Occident. C'est l'aspect chinois n'a pas été trouvée. Des Lumières. Yeah. histoire profonde de la Chine, évolution de l'histoire du monde chinois, c'est ce que nous venons d'évoquer à propos du livre de Jacques Gernet, Le monde chinois, Armand Collin, collection Destin du monde. Bien entendu, je crois que une évolution toute naturelle nous conduit à parler maintenant de la Chine actuelle. Bien qu'il n'y ait pas dans votre livre, Jacques Gernet, une étude de la Chine actuelle, on sent que d'une certaine façon, tout votre ouvrage tend à éclairer la position de l'histoire actuelle de la Chine et comment voyez-vous cette relation entre passé et présent dans l'histoire du monde chinois. Eh bien, je crois qu'il faut toujours en revenir à ces clichés qui tiennent lieu de connaissance sur la Chine et sur les pays de l'extrême-orient en général. Il y a même des gens qui emploient le mot d'Orient, d'oriental, qui parlent de tout ce qui n'est pas occidental, n'est-ce pas ? Et tout ça est confondu dans un magma qui n'a aucune ligne précise, qui n'a aucun principe d'organisation. Pour beaucoup de gens, les Indiens, les Chinois, les Japonais, tout ça, c'est la même chose. On ne sait pas distinguer un Coréen d'un Vietnamien. Pourtant, il y a autant de différences entre un Coréen et un Vietnamien qu'entre un Scandinave et un Arabe. Par conséquent, il y a tous ces clichés ridicules dont il faudrait d'abord se débarrasser. La Chine, ça n'est pas moins compliqué ni moins passionnant parce que c'est loin. Et l'histoire de l'homme a partout le même intérêt et la même dignité. On dira bien sûr oui, mais aujourd'hui on s'intéresse surtout à la Chine actuelle et j'ai entendu certaines critiques sur mon livre disant, enfin une façon d'en parler rapidement, n'est-ce pas ? Oh, c'est un livre qui ne parle pas de la révolution culturelle, qui ne parle pas de la Chine de Mao Tse-tung, c'est un ouvrage sur la Chine classique. Mais cet intérêt pour la Chine la plus actuelle ne remet pas en cause les clichés. Les clichés restent là par derrière. Au contraire, je dirais que du fait même que les gens aujourd'hui sont absolument hypnotisés par le maoïsme, par le phénomène de la Chine maoïste, les questions fondamentales sont laissées systématiquement de côté. C'est-à-dire les questions d'évolution de l'humanité en général et du prolongement de cette évolution jusqu'à nos jours, la question de savoir ce que le monde d'aujourd'hui doit à la Chine et aux différents pays d'Asie, toutes ces questions-là ne sont pas posées. Pour une raison simple, c'est que quand on s'intéresse à la Chine la plus actuelle, qui intéresse surtout, c'est le sensationnel d'abord, c'est la mort de Lin Biao, sa disparition, les querelles intérieures au Parti communiste chinois, les préséances de savoir qui est en avant, qui est parti, etc. C'est l'événement, c'est le temps court d'abord, et les problèmes de temps long ne se posent absolument pas. Et alors, on s'imagine que cette Chine actuelle est quelque chose de profondément, radicalement différent, qu'il y a eu une rupture totale, exactement comme si on disait l'Europe d'aujourd'hui est quelque chose d'absolument différent, radicalement autre que ce qu'a été l'Europe dans le passé. Or, il est impossible de comprendre ou de dire quelque chose de raisonnable sur l'Europe moderne, sans tenir compte de la Renaissance, sans tenir compte du Moyen-Âge, de l'héritage de l'Antiquité classique gréco-romaine. Alors, on cherche à fixer une date à partir de laquelle cette rupture s'est produite. Il y a des gens qui maintiennent, n'est-ce pas, beaucoup d'historiens, qui considèrent que la Chine moderne, ça commence en 1840 avec la guerre de l'opium. Pourquoi en 1840 les influences occidentales se sont exercées bien avant? Il y a eu même le christianisme nestorien qui s'est implanté en Chine au 7e siècle. Bon, admettons qu'en 1840, la Chine entre dans le circuit général de l'évolution de l'Occident parce que l'Occident est entré en Extrême-Orient. Mais cette coupure, on la place aussi beaucoup plus tard. C'est en 1911, au moment de la fin de l'Ancien Régime. Ou bien c'est 1909, le fameux mouvement du 4 mai qui qui mène à la révolution de 1949 et à la libération de 1949, la création de la République populaire chinoise. Puis il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vous diront que c'est la Chine nouvelle, c'est la révolution culturelle de 1966. Alors, tout ça, ce n'est pas sérieux. Bien sûr, et je vous remercie de rappeler qu'en histoire, il n'y a jamais d'année zéro. Exactement. Exactement. Non, mais ce que je voudrais combattre, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très insidieux. C'est cette idée qu'il n'y a d'histoire universelle que d'histoire, en fait, de l'Occident. Il y a l'Occident qui a été un monde qui a évolué, qui a été dynamique, etc., qui a tout fait, en somme. Et puis, les civilisations extérieures ne s'y rattachent qu'à partir du moment où elles sont intégrées à l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire que l'histoire, il n'y a qu'à voir les manuels scolaires, l'histoire de la Chine est intégré au manuel scolaire à partir du moment où il y a pénétration occidentale en Extrême-Orient. Mais tout ce qui est avant n'a plus qu'un intérêt de curiosité, ça ne se rattache pas à l'histoire de l'Occident, telle qu'on la conçoit. Vous me pardonnez, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse dans ce que vous nous dites. Il y a des choses qui m'ont paru passionnantes dans votre ouvrage. Et ce sont les moments où vous évoquez la façon dont les Chinois ont fait eux-mêmes leur histoire. Je peux vous demander quelques mots sur... Y a-t-il d'abord une conception chinoise de l'histoire? Et comment l'historiographie chinoise, ça se présente comment? Il y a toute une historiographie chinoise qui est extrêmement passionnante et qui a des étapes, des époques. C'est ce qui m'a paru. Une histoire proprement dite. Maintenant, il serait peut-être trop long d'y venir. Ce qu'on pourrait en tout cas marquer, c'est l'historiographie la plus récente, qui est une historiographie qui va dans le sens précisément des thèses occidentalistes les plus absurdes. C'est-à-dire que on a une variante du schéma traditionnel. La Chine monde nouveau à partir du moment où l'Occident y pénètre. La Chine est devenue monde nouveau à partir du moment où elle a fait sa révolution communiste en 1949. Avant, c'était un monde stagnant, misérable, qui ne bougeait pas, qui se reproduisait un monde d'exploitation féodale, semi-coloniale. Et puis, il y a eu cette rupture radicale de 1949, ou même 1966 avec la révolution culturelle. Oui, je crois, excusez-moi de vous couper, mais que dans l'ensemble du tiers-monde, on rencontre d'ailleurs cette attitude, ce mythe historiographique qui fait débuter l'histoire des pays du tiers-monde à un moment de rupture récente et où, je crois que sans s'en rendre compte, les historiens et les dirigeants du tiers-monde tombe dans le piège de l'historiographie occidentale, Denis Lombard. Ce n'est pas propre à l'histoire de Chine, je crois, mais c'est d'autant plus grave quand, justement, dans le cas de la Chine ou de l'Inde, par exemple, il y a une tradition historique extrêmement Exactement, longue. Parce que là, c'est un tel mensonge par rapport à leur passé. Je crois Michel Cartier, que, oui. Il ne faut tout de même pas insister. Il ne faut pas mélanger. Il y a une vue des maoïstes parisiens qui disent la Chine commence en 1949 ou même la Chine commence en 1966. Mais finalement, ce n'est pas tellement le point de vue des Chinois. Je crois que l'historiographie chinoise en Chine populaire a plutôt essayé de nationaliser l'histoire, c'est-à-dire de chercher des coupures qui ne soient pas des faits importants pour les Occidentaux. Par exemple, ce qui explique qui considère, par exemple, le mouvement du 4 mai 1919 comme l'entrée dans l'histoire, dans la période contemporaine. C'est toujours dans le cadre de l'orthodoxie marxiste. Oui. Ce qui a surtout intéressé les Chinois, il y a eu un gros travail qui a été fait par les Chinois depuis 1949. En particulier, c'est toutes les recherches qui ont été faites sur l'histoire des sciences et des techniques en Chine qui a apporté énormément de choses. Mais cet intérêt aussi pour les luttes, leur intérêt aussi pour les luttes des paysans opprimés, ouais. L'histoire du Parti communiste chinois, tout ça, c'est quand même très orienté comme histoire. Et il y a certaines questions qui peuvent paraître aux yeux des maoïstes occidentaux, des maoïstes parisiens, répondre à des conceptions bourgeoises et réactionnaires de l'histoire. C'est une conception bourgeoise et réactionnaire de l'histoire que de rechercher, par exemple, quelle influence la Chine a pu avoir sur le processus qui aboutit à la Révolution française, ou savoir si les jésuites du XVIIe siècle ont vraiment apporté quelque chose à l'histoire des sciences en Chine. Denis Lombard, vous vouliez dire quelque chose. C'est-à-dire que les sources disponibles émanent d'une certaine classe, évidemment, de, bien sûr, de l'histoire de Chine, et de, enfin de la Chine. Et alors le problème maintenant, c'est de relire ces sources avec évidemment une optique différente. Alors, par exemple, toute la question des eunuques, toute la question des paysans qui n'étaient pas traités au premier plan, sur lequel il y avait quelques allusions dans les textes. Évidemment, l'effort de l'historiographie chinoise contemporaine, c'est de remettre ça en valeur et de refaire une histoire économique, qui d'ailleurs, économique et sociale, qui d'ailleurs n'est pas tellement opposée, au moins dans les principes, avec ce que nous essayons de faire en Occident depuis quelques décennies. Je ne sais pas s'il y a véritablement contradiction entre cette relecture des sources traditionnelles à la lueur d'une méthodologie plus moderne, avec, je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher. Non, il n'y a pas de doute que les historiens chinois ont apporté beaucoup à la connaissance du passé de la Chine, et des choses tout à fait neuves et passionnantes. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces historiens chinois qui ont travaillé si efficacement entre 1950 et 1965 ou 63, ont pratiquement disparu de la scène maintenant. Par rapport à certaines des traditions de l'histoire du monde chinois, pourriez-vous évoquer, dans la mesure où on le sait, comment la Chine actuelle, la Chine de Mao Tse-tung, se rattache ou ne se rattache pas à ce passé ? Il me semble qu'il y a des données de base qui sont indispensables pour comprendre la Chine actuelle. C'est tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire cet écrasement de la Chine par le monde occidental. C'est tous les problèmes de développement de la pensée chinoise au XXe siècle. Et il me semble surtout qu'une connaissance générale de la Chine dans sa profondeur permet, de façon négative au moins, d'éviter certaines erreurs de jugement. Et je crois que c'est ça le fond de l'histoire. Je pense que, de même qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas traiter de l'Europe moderne, de l'Europe actuelle, en ignorant tout de l'histoire du Moyen-Âge, de l'Antiquité. De même, on ne peut pas parler de la Chine actuelle sans connaître l'ensemble de l'histoire de la Chine. C'est en effet la portée générale de méthodologie historique qu'apporte votre livre. Mais avant de nous séparer, je voudrais demander à Denis Lombard et à Michel Cartier si cette conception de Jacques Gernet est la leur, et en particulier quant à l'histoire chinoise d'aujourd'hui. Je pense que sur l'histoire de Chine contemporaine, il y a quand même d'énormes travaux de fait, non seulement dans la façon de relire les anciens textes dont on parlait tout à l'heure, mais dans tout ce qu'ils ont fait au point de vue archéologique. Il y a un passé enfoui qui ressurgit actuellement grâce justement aux travaux économiques qu'ils font, au terrassement. Je pense par exemple à Pékin, ils ont récemment organisé un métro, ils ont abattu les anciens remparts et ils ont découvert à Pékin même toute une série de choses intéressantes. Je ne sais pas si vraiment cette histoire a défoncté, comme vous disiez, après 65-66. Je pense que la réapparition de certaines revues comme Wenwu actuellement prouve que on en a moins parlé pendant un certain temps, mais je me demande si les laboratoires et les équipes n'ont pas continué à travailler dans le silence. Personnellement, j'ai la plus grande confiance dans l'avenir. Moi aussi. Michel Cartier. Oui, je crois que je partage l'avis de mes collègues. Si are, si are, ni tai na li. 情才慢慢平静了一些。想想这些年的山洞日子啊，吃的是树皮野果，庙里的贡献，忍饥挨冻，受苦受难，熬白了头发。 是追赶白毛女，一直追到山洞边儿。 喜儿发现有人追来，急忙藏在一个角落里。 走进山洞，四处搜寻。 你是什么人？ 我是山上的大树，野地的烈火。烈火啊，你们扑不灭！大树啊，你们砍不倒！喜儿把大春当成是皇家的狗腿子，满腹的阶级仇恨被逼得爆发出来了。喜儿不顾死活，猛然扑向大春。 望着白毛女，仔细一看，不禁大吃一惊，这不是喜儿吗？ 难道她就是大春？ 是 声潮涌心头，喜儿呀喜儿呀，这万恶的旧社会一定要推翻。 这意想不到的相见使喜儿大春万分激动。 往日里的一切都涌上了喜儿的心头，多少恨和悲，多少恨和愁，多少年埋在心里的话，恨不能一下子都向大春诉说。 C'était Les Lundis de l'Histoire par Jacques Le Goff, avec Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juillet 1972. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Azucenas, los naldos y las rosas. Mi alma triste pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mis penas morirían también. Silencio, están durmiendo los dardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Las azucenas, no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando.